Today, 11th of April, 2022, I will continue about Dhammena, controlling of our senses. Uttanena, Pamadena, Sanyamena, Dhammena. According to this teaching, so this is a teaching how we should practice meditation in proper way. Uttana must be active, practice actively, diligently. Appamada, being mindful each and every moment without energetic, physically and mentally, cannot be mindful each and every moment continuously. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2022. Je vais poursuivre mon discours à propos de Dhammena, c'est-à-dire le contrôle des sens. On a vu le vers du Dhammapada, Uttanena Appamadena Samyamena Dhammenaccha. Ce vers enseigne la façon dont nous devrions pratiquer la méditation, enseigne la façon correcte de pratiquer la méditation. Uttana signifie que nous devons être actifs et diligents. Appamada signifie que nous devons être attentifs à chaque instant, sans exception, et sans déployer de l'énergie physique et mentale, nous ne pourrions pas être attentifs à chaque instant de façon continue. Ensuite, Samyama, c'est aussi très important. Nous devons garder, maintenir les préceptes que nous avons pris. Nous ne devons pas les rompre, parce que Sila, c'est le fondement de la pratique. Nous devons avoir cette qualité de contrôle des sens. Hier, j'ai expliqué la vision. Lorsque nous voyons quelque chose ou quelqu'un, surtout lorsque la pratique est diligente et que l'esprit est concentré, même si nous n'attendons rien en particulier, un imita ou une image peuvent apparaître. Surtout quand la prise de note est puissante, que l'esprit est serein, qu'il ne va nulle part. Même lorsque l'esprit part, s'évade, le yogi énergique peut le saisir immédiatement. Ce n'est pas comme précédemment, quand l'esprit vagabondait souvent. La plupart des yogis vont suivre la pensée. La pensée peut être très plaisante. L'esprit crée des histoires. Et dans la pensée, on voit parfois quelqu'un. Mais si on n'est pas attentif, on suit cette pensée, on suit ces images. Par contre, quand l'esprit est concentré, en raison d'une forte attention, le yogi est capable de voir le nimitta, l'image, le nimitta qui est plaisant ou déplaisant. Le yogi sait ce qu'il doit faire, il note le nimitta, il prend note du nimitta de façon rapprochée. Et lorsqu'il le fait, lorsqu'il en prend note, le nimitta ne reste pas dans l'esprit, il disparaît. Toutefois, quand le nimitta est plaisant, parfois le yogi va suivre le nimitta. Ça dépend. Il y a différentes qualités d'attention chez différents yogis. Mais s'il parvient à noter ce nimitta, à prendre note de ce nimitta, on peut dire qu'il contrôle le sens de la vision. Et quand il contrôle le sens de la vision, les kilesas, les pollutions mentales, ne peuvent pas apparaître. Donc, nos yogis doivent noter, voir, lorsqu'ils voient une image. Ensuite, ils doivent aussi contrôler le sens de l'audition. Nous ne prêtons pas attention à aucun son pendant la pratique. Nous prêtons attention seulement à l'objet primaire, à l'objet principal, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. mais en notant le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, lorsqu'un son est entendu, il faut noter entendre. Il faut cesser de noter soulèvement et abaissement et noter entendre, entendre, entendre de façon rapprochée et de façon attentive. De la même façon, lorsqu'une odeur parvient au yogi, il doit noter sentir, sentir, sentir, que l'odeur soit bonne ou mauvaise. En tant que yogi, nous ne devons pas choisir. En tant que yogi, quel que soit l'objet qui apparaît dans le corps et l'esprit, nous devons le noter. En pali, le nez, c'est gana, l'odeur, c'est gandaya. Quel que soit l'organe sensoriel, quel que soit l'objet des sens, il faut le noter. La même chose vaut pour jiva, la langue, et rasa ramana, l'objet du goût. Lorsque nous mangeons le petit déjeuner ou le repas de midi, nous devons manger avec attention. Cela fait partie du contrôle des sens. C'est aussi un élément du contrôle des sens. Comme il est instruit, nous devons noter, voir, lorsque nous voyons la nourriture, ou regarder. Lorsque nous prenons une cuillerée de nourriture, nous notons prendre. Lorsque nous amenons la cuillère à la bouche, nous notons amener. Lorsque nous mettons la nourriture dans la bouche, nous notons mettre. Lorsqu'on repose la cuillère, on note poser. Lorsqu'on mâche, on note mâcher. Nous devons donc manger avec attention, en particulier lorsque nous mâchons la nourriture. Nous devons essayer de noter autant de fois que possible mâcher. De cette façon, nous pouvons contrôler le sens du goût. Ensuite, le toucher. Les points de contact se trouvent partout sur le corps. Aussi, lorsque nous faisons quelque chose, par exemple, faisons la vaisselle, ou alors lorsque nous pratiquons la méditation assise, parfois nous notons assis, toucher, au point de contact avec le sol. Et ça aussi, c'est une façon de contrôler le sens du toucher. J'ai donc expliqué le contrôle des cinq sens, la vision, l'audition, l'odorat, le goût et le toucher. Comment contrôlons-nous les cinq sens? C'est avec une attention énergique. Une attention énergique accordée aux cinq sens. Nous n'avons pas besoin de trouver un quelconque objet. Lorsque l'objet apparaît dans notre champ d'attention, nous devons le noter. C'est comme ça que nous devons contrôler les sens avec l'attention. Lorsque l'on pratique la méditation, nous devons accorder une attention rapprochée à l'objet primaire. C'est très important. Une fois que nous avons établi l'attention sur l'objet primaire, l'attention devient très aiguisée, très forte. Elle est bien établie. Et grâce à cela, nous pouvons être clairement conscients de tous les objets, quels qu'ils soient, dans le corps et l'esprit. Maintenant, revenons à la vision. Nos yogis énergiques prennent note de la vision de façon rapprochée, de façon ferme. Ils notent voir. Et alors qu'ils notent de façon rapprochée, l'objet est clair dans leur attention, dans leur champ d'attention. Ils voient l'œil, ils voient l'objet visuel, ils voient la conscience visuelle, ils voient la conscience qui note l'objet. Tout ça est clair dans leur attention. Pourquoi? Parce qu'ils notent l'objet de façon rapprochée, de façon attentive, de façon précise. C'est pourquoi ils peuvent voir ces objets de façon claire, de façon distincte des autres objets. La vision n'est pas mélangée avec d'autres objets. Il n'y a pas de confusion dans leur esprit, il n'y a pas de doute. Quelle est la différence entre un pratiquant et un non-pratiquant? Le non-pratiquant aussi, lorsqu'il pense, il peut aussi savoir, j'ai des yeux, je peux voir des objets, je peux voir un homme, une femme, j'ai une conscience visuelle, mais de façon générale, il ne peut pas vraiment être conscient de cela. En général, il pense, ceci, ce sont mes yeux. Mes yeux peuvent voir quelqu'un, mes yeux peuvent voir quelque chose. Et ensuite, soit l'attachement apparaît, soit l'aspiration, soit la colère pourrait apparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attentifs. Ils ne disposent pas du pouvoir du contrôle des sens. Mais le pratiquant Vipassana note voir l'objet lorsque l'objet apparaît. Il note voir de façon continue. Et lorsque sa prise de note est puissante et continue, lobha, l'avidité, l'attachement, dosa, la colère, moha, l'illusion, n'ont aucune chance d'apparaître. Il n'y a pas de place pour eux. À la place, il y a la compréhension. Les yogis savent, ceci c'est l'esprit, ceci c'est l'objet noté, ceci c'est l'esprit qui note, ou plus simplement, ils savent, ceci c'est l'esprit, ceci c'est la matière. Ils ne voient pas les choses comme précédemment parce que leur prise de note est devenue puissante. Ils voient qu'il n'y a que le corps, que l'esprit et la matière. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Ils ont éliminé Michaditi, les vues fausses. Ça, c'est le bénéfice de la pratique de Vipassana. Pour l'instant, le yogi élimine les pollutions mentales avec son attention. Lorsque nous notons voir attentivement et précisément, quatre choses distinctes peuvent apparaître à notre attention. Nous pouvons être conscients de quatre choses distinctes. En tout cas, les yogis qui pratiquent de façon diligente avec Uttana. Comment pouvons-nous voir ces quatre choses séparément en notant voir? Pourquoi? Parce que lorsque nous notons voir, nous voyons la sensibilité de l'œil, nous voyons l'objet visuel. Si cet objet n'apparaissait pas, nous ne le noterions pas. Cet objet, c'est Rupa Ramana. La sensibilité de l'œil, c'est Chaku Pasada. Et ensuite, il y a aussi l'esprit qui note. Il y a d'abord la conscience visuelle, Chaku Vijnana, et puis il y a encore l'esprit qui note. Si nous ne pratiquons pas la méditation, nous pouvons aussi voir cela, mais nous ne notons pas. Donc, conformément aux instructions, lorsque nous voyons quelque chose, nous devons noter. Oh, je vois quelque chose. Un autre état d'esprit apparaît. Et après cet état d'esprit, il y a l'esprit qui note. C'est encore un autre état d'esprit. L'esprit qui voit et l'esprit qui note. Donc le yogi voit quatre choses. Il voit la sensibilité visuelle. Il voit l'objet physique. Il voit la conscience visuelle et il voit la conscience qui note l'objet. Donc ça, c'est pas une compréhension superficielle, c'est une compréhension profonde et on ne peut y parvenir qu'avec une pratique diligente. Avec une pratique diligente, on peut voir ces quatre choses distinctement. Mais si l'esprit qui note n'est pas puissant, nous ne pouvons pas le voir clairement. Parce que ces objets sont très subtils, très fins. Voilà, donc le yogi peut voir quatre choses différentes dans sa pratique. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Mm-hmm.